La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Bonjour et bienvenue dans la tête au carré. Apparus sur Terre il y a 450 millions d'années, les insectes ont traversé les époques et survécu à plusieurs crises d'extinction massive. Pourtant, le constat des scientifiques est accablant et quasi unanime. Ces dernières années, les populations d'insectes s'effondrent. De nombreuses espèces pourraient disparaître dans les prochaines décennies. Alors quelles sont les causes de cette hécatombe? À quoi ressemblerait un monde sans insectes? Et est-il encore possible de sauver le peuple à six pattes? C'est ce que nous allons voir avec nos invités, les biologistes Isabelle Dajose et Philippe Grandcola. Vous pouvez leur adresser vos questions via la page de l'émission sur franceinter.fr. Bonjour Héloïse Rambert. Bonjour Daniel. Aujourd'hui à la Une de la Science, une nouvelle méthode expérimentale utilisée par les médecins pour évaluer l'altération de l'état de conscience de personnes qui ne peuvent plus communiquer avec leur entourage. Oui, il ne s'agit pas d'une méthode qui repose sur des technologies de pointe, loin de là, mais au contraire sur l'humain et l'intelligence collective. On en parle dans 5 minutes. En fin d'émission, nous retrouverons le docteur Dominique Dupagne pour sa chronique Santé polémique consacrée aujourd'hui aux opioïdes et à leurs dangers. Voilà pour le programme de cette tête au carré, réalisé par Fanny Boyon et préparé par Sophie Vaux. La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Daniel Fievé. Autour de la table, Isabelle Dajose et Philippe Grandcola. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour. Merci, bonjour. Isabelle Dajose, vous êtes écologue à l'Université Paris Diderot et à l'Institut d'écologie et des sciences de l'environnement de Paris. Philippe Grandcola, vous êtes chercheur au CNRS, au Muséum National d'Histoire Naturelle, spécialiste de l'évolution. Quand on voit l'extrême diversité des insectes qui vivent sur notre planète, ça paraît incroyable qu'ils soient en danger de disparition. Combien d'espèces d'insectes à la surface du globe sont connues aujourd'hui, Philippe Grandcola? Alors aujourd'hui, plus d'un million d'espèces ont été décrites par la science. Néanmoins, à chaque fois quand on visite un milieu tropical, on s'aperçoit que ce chiffre est très sous-évalué. En réalité, il en existe probablement plusieurs millions. Ouais, plusieurs millions. C'est-à-dire que si on prend l'ensemble des espèces animales sur Terre, les insectes sont majoritaires. Tout à fait. Les insectes représentent déjà, d'ores et déjà, à peu près la moitié des espèces décrites du vivant. Ouais. Alors malgré ça, malgré le fait qu'ils soient plus présents que nous sur Terre, ils sont en danger réellement? Oui, effectivement. C'est une idée qui surprend toujours au début, puisqu'on a l'impression de les voir partout dans tous les écosystèmes, de subir quelquefois leurs dégâts, leurs inconvénients. Et donc on a l'impression que les insectes sont les derniers animaux qui resteraient sur Terre en cas de catastrophe écologique. En réalité, il n'en est rien. Toutes les études montrent le contraire. Effectivement, depuis quelques décennies, la tendance est à la baisse forte et importante pour tous les groupes d'insectes. Pour tous les groupes d'insectes. Alors, en France, on s'occupe, et dans beaucoup de pays du monde, on s'intéresse souvent au sort des abeilles, Isabelle Dajose, notamment de l'abeille domestique. C'est celle qu'on connaît le plus, qu'on aime le plus aussi. Elle est particulièrement menacée, mais ça n'est pas la seule. Là encore, il y a d'innombrables espèces d'abeilles, rien qu'en France. Hein. Oui, rien qu'en France, on en trouve au moins un millier. Et au niveau mondial, c'est plusieurs dizaines de milliers d'espèces d'abeilles. Oui. Donc en fait, l'abeille domestique, c'est une espèce parmi tant d'autres. C'est comme si on disait que les mammifères, c'est que les vaches. Oui, c'est pas du tout. Et alors, toutes les abeilles sont menacées ou là encore, il y a des disparités? Oui. En fait, il y a de gros soucis. Il y a ce qu'on appelle une crise de la pollinisation. Et en fait, toutes ces abeilles et les pollinisateurs en général, les insectes pollinisateurs en général, sont effectivement très affectés par tout un tas de choses, par l'industrialisation de l'agriculture, l'intensification de l'agriculture, le changement de mode d'usage des sols, l'urbanisation, le changement climatique aussi. Ouais. Alors, c'est multifactoriel. La pollinisation, c'est souvent ce à quoi on pense quand on pense au rôle de ces abeilles. Ça n'est pas le seul. Hein. Les insectes, de façon générale, rendent de multiples services aux écosystèmes. Tout à fait. Ce sont vraiment des ingénieurs de nos écosystèmes et ils tiennent une quantité de rôles différents. Il y a un rôle qui paraît peut-être trivial, mais qui est très important, c'est qu'ils servent également de nourriture à toute une série d'autres animaux, notamment des petits vertébrés. Et donc on constate, quand il y a baisse des populations d'insectes, immédiatement baisse des populations de ces vertébrés qui se nourrissent des insectes. Mais il y a bien d'autres rôles écologiques, évidemment, à commencer par la transformation de la matière organique, la lutte également contre d'autres espèces d'insectes qui seraient prédominants dans nos écosystèmes et qui trouvent leurs antagonismes auprès de leurs propres collègues, si je puis dire. Selon vous, le grand public est moins sensible à ce qui arrive aux insectes qu'au reste du monde animal. Et quand on parle d'érosion, de biodiversité, souvent les insectes, on s'en inquiète peu. C'est vrai que le regard que nous portons sur la nature est très anthropocentrique. Il est vraiment lié à nos proches parents, aux grands mammifères, aux vertébrés, aux arbres, aux éléments du vivant qui sont les plus évidents à nos yeux. Néanmoins, les problématiques comme justement la crise de la pollinisation depuis plusieurs années ont amené, je pense, à une prise de conscience. On sent qu'il y a maintenant un intérêt pour ce type de soucis. Prise de conscience, et il n'est pas trop tard, Isabelle Dagios, on peut encore faire quelque chose pour sauver les insectes. Bah, il faut espérer. Ouais, on va avoir l'occasion d'en parler. Hein. On s'intéresse aux causes et aux conséquences de la disparition des insectes dans le dossier de la Tête au Carré cet après-midi. Et pour adresser une question à nos invités, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr. Bonjour docteur, j'aimerais vous parler. Combien de temps croyez-vous qu'elle va rester comme ça, Lydia ? Des mois, des années, toute la vie. Elle peut ouvrir les yeux? Ou est-ce une hallucination de ma part? Non, non, elle peut ouvrir les yeux. Mais ça ne signifie pas qu'elle vous voit. Elle ne se rend compte de rien. Elle peut ouvrir les yeux, mais c'est par pur réflexe. Son cerveau ne peut concevoir de pensée ni ressentir d'émotions. Un extrait du film « Parle avec elle » de Pedro Almodovar pour évoquer aujourd'hui, Héloïse, notre une de la science, une étude qui met les infirmiers et les aides-soignants au centre de l'évaluation de l'état de conscience des patients. Oui Daniel, des équipes de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, de l'INSERM et de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière ont montré que l'appréciation de ces soignants concernant l'état de conscience des patients représentait une réelle valeur ajoutée aux diagnostics médicaux et aux examens d'imagerie cérébrale classique. L'outil sur lequel est basée la méthode a été baptisée Doc Feeling, Doc pour Disorders of Consciousness, et il fait l'objet d'une publication dans la revue British Medical Journal Open. Nous sommes au téléphone avec Bertrand Herrmann, le premier auteur de l'étude. Bonjour. Bonjour. Vous êtes neurologue spécialisé en réanimation à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Alors, dans votre étude, vous êtes intéressé à des patients en état de conscience dite altérée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça recouvre comme réalité pour ces personnes ? Oui, alors ce terme d'état de conscience altéré, il fait référence en fait à des patients qui ont eu une lésion cérébrale grave, des patients qu'on peut dire cérébro-lésés. La plupart du temps, c'est un traumatisme crânien sévère ou des séquelles après un arrêt cardiaque et qui, après une phase de coma, récupèrent un certain degré de vigilance, ouvrent les yeux, mais ne sont pas pour autant conscients et capables de communiquer. Et ils peuvent présenter une altération qui est plus ou moins sévère, qui peut être l'observation uniquement de comportements qui sont réflexes, ce qu'on appelle l'état végétatif, ou alors des comportements un peu plus riches, comme le fait de suivre du regard, de répondre parfois à une commande, serrer la main, fermer les yeux, mais de manière pas assez reproductible pour communiquer. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'état de conscience minimal. Donc ces patients, ils ne peuvent pas communiquer hein, par définition. Comment habituellement les médecins évaluent-ils la sévérité de l'atteinte de la conscience ? Alors habituellement, on a justement des échelles comportementales comme l'échelle de récupération du coma qu'on utilise comme référence dans l'étude qui, de manière standardisée, évalue différents comportements comme le fait de répondre à la commande, d'interagir avec l'environnement, avec des objets divers, d'essayer de parler. Et on utilise cette échelle mais qui nécessite de l'expertise, d'être formée, souvent faite par les médecins et qui prend du temps. Et donc là, on a voulu essayer de faire un outil qui soit basé sur le ressenti subjectif des paramédicaux qui sont plus souvent au contact du patient dans la journée, sur une semaine d'hospitalisation par exemple. Donc là, dans ce travail, vous êtes appuyé sur des stratégies beaucoup plus simples hein, pour évaluer les états de conscience, avec des personnels soignants a priori beaucoup moins qualifiés. Expliquez-nous ce que vous avez fait. Oui, alors effectivement, la conscience, même si on peut l'objectiver et la quantifier, ce qu'on fait tous les jours en utilisant des techniques d'imagerie aussi compliquées, il y a une composante éminemment subjective et le but de l'étude, c'était de voir si on pouvait quantifier cette expertise subjective développée par les soignants, donc infirmières et aides-soignants auprès du patient. Et alors demander à la fin de leur journée de travail de coter sur une échelle visuelle analogique comme une échelle de la douleur de 0 à 10, de mettre un petit trait sur cette flèche qui va de 0 à 10 pour évaluer l'état de présence du patient. Et la question c'était le patient est-il présent ou semble-t-il présent? Et on avait sur 47 patients, on a recueilli à peu près 700 évaluations de ces différents personnels paramédicaux et on se rend compte que chaque évaluation individuelle est intéressante, mais est assez bruitée. Parfois, certains surestiment, d'autres sous-estiment l'état de conscience. Mais que quand on fait appel à ce principe d'intelligence collective, de faire la médiane des observations pour un patient, on a un très bon taux de diagnostic de l'état de conscience comparé aux méthodes standards dont je vous ai parlé, d'échelle comportementale qui sont assez complexes. C'est assez surprenant parce que ça signifie que vous ne demandez même pas de justification aux aides-soignants. Vous leur demandez voilà, un sentiment. Ils ont le sentiment, quand ils entrent dans la pièce de ce patient, d'être avec quelqu'un qui est plus ou moins conscient. Et vous ne leur demandez aucun critère pour justifier ce sentiment ? Oui, c'est ça. Alors justement, dog feeling, on a dit dog, c'est pour disorder of consciousness, mais le côté feeling, ça fait un peu appel à l'expression anglaise gut feeling, ce sentiment, cette intuition un petit peu. Ce qu'on voit, on avait évalué d'autres choses aussi par les soignants, c'est que ce sentiment, il passe pas par c'est pas magique, il passe par des items que nous on cote habituellement dans les échelles comportementales, comme le fait de suivre du regard, comme je vous ai dit, le fait d'interagir pendant les soins de nursing, de toilette, ou de répondre à la douleur de manière adaptée, par exemple quand on fait une prise de sang. Toutes ces choses-là, mais qui sont un peu, qui sont englobées dans cette échelle. Et effectivement, le fait que ce sentiment subjectif soit pertinent, c'est intéressant aussi pour, parce que ce sentiment subjectif, c'est ce que nous rapportent souvent les familles. Et ça nous permet parfois de comprendre un petit peu les discordances entre le ressenti du personnel paramédical, de nôtre aussi, ou celui des familles, par rapport à des évaluations qui sont standardisées, où l'IRM, le G, disent non, ce patient a un niveau de conscience très altéré, et parfois les gens perçoivent un peu plus. Et donc ça peut nous permettre de démêler des situations où parfois vraiment ce qui est perçu, c'est parce que le patient fluctue beaucoup, ou c'est parce que c'est sur des choses qui sont mal évaluées par la clinique, comme les émotions, la réponse à la prise de conscience, notamment quand on dit une blague ou des choses comme ça, d'observer les émotions, ça c'est des choses qu'on n'évalue pas bien dans la clinique habituellement. Et donc ce sentiment un peu global, ça permet de capturer différentes facettes de la conscience. Et donc ces résultats, les résultats de cette intelligence collective, ils sont pertinents vraiment, ça dit quelque chose de l'état du patient. Ça, vous avez pu l'objectiver. Donc on l'a comparé aux méthodes de référence, donc à cette échelle de récupération du coma, et on a plus de 90% des patients qui sont bien classés par cette mesure par rapport à cette méthode de référence. Donc c'est intéressant, ça c'est pas fait pour remplacer ces études, ces échelles comportementales qui sont nécessaires, qui sont aussi en complément de l'électroencéphalogramme, de l'imagerie, mais c'est une facette complémentaire justement qui capture ce sentiment subjectif qui était un peu manquant jusqu'à maintenant. Alors une toute dernière une toute dernière question d'Héloïse. Oui, assez rapidement, pourquoi est-ce que les médecins ont vraiment envie de connaître avec précision l'état de conscience d'un patient ? Qu'est-ce que ça dit de son futur ou de son présent d'ailleurs ? Oui, alors il y a peut-être trois choses pour lesquelles c'est important. La première, c'est effectivement d'évaluer le pronostic, c'est la question qu'on nous pose le plus souvent. Et effectivement, l'état de conscience d'un patient à un moment donné, compte tenu de la lésion cérébrale, de la cause, ça varie un petit peu bien sûr en fonction de la cause, nous indique beaucoup le pronostic futur de récupération de la conscience, mais aussi simplement le pronostic vital la plupart du temps. Mmh. Et ensuite, il y a aussi pour justement pouvoir bien informer les familles de qu'est-ce que les patientes sont capables de comprendre, de ressentir l'environnement, ça c'est important. Et après, il y a bien sûr la thématique de recherche, de essayer de comprendre mieux la conscience et la physiologie de la conscience, notamment lorsqu'elle est altérée. Merci Bertrand Herrmann, je rappelle que vous êtes neurologue spécialisé en réanimation à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et Héloïse, à demain. À demain Daniel. En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, alors que le glyphosate revient sur le banc des accusés aux États-Unis, la France veut trancher la question de la dangerosité de l'herbicide en lançant prochainement une nouvelle étude. C'est l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, qui l'a annoncé hier. L'étude présentée comme indépendante aura notamment pour but de clarifier le caractère cancérogène ou non du glyphosate. Dans les semaines qui viennent, le cahier des charges sera transmis au ministre de l'Agriculture, de la Santé et de l'Environnement, qui avait précédemment saisi l'agence. On en sait un peu plus sur la fin de la cité d'Angkor. La puissante ancienne capitale Khmer au Cambodge a été complètement abandonnée au 15e siècle. Mais les circonstances de cette désertion restent une vraie question pour les scientifiques. Les travaux d'une équipe internationale d'archéologues publiés dans la revue PNAS laissent penser que l'abandon de la cité n'a pas été soudain et que son déclin a commencé dès le 14e siècle. Les archéologues ont remonté le temps grâce à une carotte de terre de 70 cm creusée dans une douve de la cité. Le sédiment ayant gardé en mémoire année après année tous les changements dans l'utilisation de la terre et la végétation, ils ont pu s'apercevoir que l'exploitation du sol avait cessé de façon progressive et non soudaine, comme certaines théories le prétendent. Enfin, chaque printemps, c'est le même rituel pour les baleines bleues. Elles remontent lentement au large du Costa Rica, vers le nord, le long de la côte ouest des États-Unis, pour se régaler de leur nourriture préférée, le krill. Jusque-là, les scientifiques ne savaient pas bien comment elles décidaient de leur itinéraire. Une étude parue dans la revue PNAS montre que les baleines ne se fient qu'à une chose durant leur périple, leur mémoire. Elles s'en tiennent à l'itinéraire dont elles se souviennent et non pas de détours pour, elles ne font pas de détours pour traquer le krill. Les baleines bleues préfèrent donc jouer la sécurité plutôt que d'adapter leur parcours à la nourriture. Dans un instant, on enquête sur la disparition des insectes avec les invités de la Tête au Carré. C'était Exit Falls sur France Inter. Les scientifiques l'appellent l'effet pare-brise. Il y a 30 ans, un long trajet en voiture se traduisait fatalement par une constellation d'insectes écrasés sur la surface vitrée. Aujourd'hui, les choses ont bien changé, et ce n'est pas parce que les moucherons ont appris à regarder avant de traverser. C'est leur nombre qui a considérablement diminué, un constat partagé par Philippe Anoyer, entomologiste au Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse. J'ai pas trouvé de papillon, mais j'ai trouvé un petit coléoptère, un petit scarabée. Ce spécialiste des papillons observe avec inquiétude le phénomène silencieux. Sur la Haute-Garonne, il coordonne justement une étude sur les papillons de jardin. Le comptage a démarré en 2006. Le chercheur observe une perte de 40% des populations. Seuls les insectes qui se sont adaptés au mode de vie de l'homme, comme les blattes, tirent leur épingle du jeu. La Tête au Carré, Daniel Fievé. Et pour parler de la disparition des insectes dans La Tête au Carré cet après-midi, invité de l'émission Isabelle Dajos, professeure à l'Université Paris Diderot, écologue à l'Institut d'écologie et des sciences de l'environnement de Paris, et Philippe Grandcola, chercheur au CNRS, responsable de l'Institut de systématique biodiversité évolution au Muséum national d'histoire naturelle. On s'en rend compte en entendant cet extrait, le monde des insectes est vaste. Alors il y a certaines espèces comme les abeilles, les papillons, les libellules qui correspondent à cette image de de fragilité, un peu en danger. Et puis, il y a aussi, de l'autre côté, les cafards, les punaises de lit, les moustiques, dont on se dit qu'ils sont ultra résistants et loin d'être menacés. Philippe, c'est vrai, mais on a malheureusement une image un peu trop manichéenne, un peu trop extrême des insectes. Hein. Tantôt anges, tantôt démons. Et on devrait se rendre compte, en fait, que chacun d'entre eux a une face plus positive, une face plus négative. Les moustiques, effectivement, sont responsables de plus de morts que l'ensemble des conflits armés durant ce dernier siècle, mais ils servent aussi de nourriture à beaucoup d'autres espèces animales. Et donc, et c'est la même chose pour les abeilles, pour d'autres organismes dont on voit surtout le côté positif et qui ont également quelquefois des côtés un peu moins favorables. Mais les moustiques sont-ils menacés, par exemple, Isabelle Dajauge? Alors, il y a beaucoup de problèmes avec les utilisations de pesticides, notamment de DDT. Et donc, ce qu'on observe, c'est effectivement des diminutions d'abondance des populations de moustiques, ou même plus grave, des fois, des résistances à ces pesticides. Et donc, il y a certainement des populations qui diminuent, oui. Alors, il y a eu récemment cette étude parue dans Biological Conservation, un journal très sérieux de référence dans le monde scientifique, qui a été largement reprise dans les médias plus traditionnels. Certains ont titré que dans un siècle il n'y aurait plus un seul insecte à la surface du globe. Donc on a l'impression que ça a particulièrement effrayé. Qu'est-ce qu'elle dit exactement, cette étude, et qu'est-ce qu'elle a de remarquable? Alors cette étude, son intérêt, c'est qu'elle reprend toute la littérature scientifique disponible sur plusieurs décennies. Donc elle a fait une recherche exhaustive sur l'ensemble de cette littérature et elle a retenu uniquement les études qui avait des estimations de nombre, de quantité d'insectes, et pas seulement d'impressions ou d'impressions qualitatives, sur plusieurs années, voire plusieurs décennies. Donc elle fait vraiment le résumé de tout ce qui a été dit sur les tendances des populations d'insectes dans le monde. Sur les 40 dernières années. À peu près. Hein. Ça fait ce qu'on appelle une méta-analyse sur les 40 dernières années. Et alors, quelles sont les conclusions dans les grandes lignes de cette étude? Alors, les conclusions, c'est partout baisse, diminution des populations, voire risque d'extinction sévère pour un certain nombre d'espèces, voire déjà extinction avérée pour quelques espèces. Donc vraiment, le constat est unanime. 41% des espèces d'insectes sont en déclin, selon cette étude, ce qui veut quand même dire que certaines ne le sont pas, ou en tout cas qu'on n'a pas pu le démontrer. Est-ce que pour autant, les 73 études sur lesquelles s'appuie cette méta-analyse couvrent l'ensemble de la surface du globe, Isabelle Dajauge? Non, en fait, il y a un biais dans la répartition des données. Le maximum des connaissances sont répertoriées pour l'hémisphère nord, parce que c'est un héritage de l'histoire. C'est là qu'a commencé à se développer la culture naturaliste. Et donc, on a un maximum, cet article répertorie des données principalement pour l'hémisphère nord et les hautes latitudes dans l'hémisphère nord. Mais il y a une grosse boîte noire qui est tout ce qui se passe au niveau tropical. Il y a juste deux ou trois articles qui sont synthétisés dans cette revue dont vous venez de parler. Et par exemple, il y a un exemple au Costa Rica où les chercheurs ont constaté une diminution de biomasse, de quantité de ces insectes, de l'ordre de 80 ou 90% de la quantité de la biomasse d'insectes qui disparaît en quelques dizaines d'années. Donc, vraisemblablement, ce phénomène, il semble se réaliser à l'échelle planétaire, mais on manque de données, on manque encore d'informations pour étayer ce qui se passe vraiment au niveau des latitudes tropicales, où il y a le maximum de biodiversité. Alors c'est intéressant de faire un point, vous parlez tantôt de biomasse, tantôt de biodiversité. Alors la biodiversité, pour le dire vite, c'est le nombre d'espèces, on a dit plus d'un million, hein. Beaucoup sont peu connus. Et la biomasse, c'est le poids de chaque individu, de chacune des espèces. Et en biomasse, parfois c'est colossal, hein. Rien que les fourmis, si on prend la biomasse, le poids de toutes les fourmis qui sont elles-mêmes réparties sur plusieurs espèces, c'est autant que l'espèce humaine, je crois. Effectivement, il y a des groupes d'insectes comme les fourmis qui sont omniprésents dans tous les systèmes écologiques qui ont une importance en masse qui est considérable. La tendance, là encore, est malgré tout à l'augmentation de la masse des organismes élevés ou cultivés. Hein. Aujourd'hui, en fait, si on prend les vaches, les moutons, tous les animaux d'élevage, en fait, on a, par exemple, pour les mammifères, on a cette fois-ci une majorité de biomasse qui se situe dans les élevages et non plus dans les milieux naturels. Donc ça donne aussi un peu une coloration à cette crise de la biodiversité. biodiversité, on comprend bien que derrière la conversion des milieux, derrière le changement d'environnement, il y a l'homme partout. Alors évidemment, on va revenir dans la suite de cette émission sur les causes de cette disparition, mais restons encore un peu sur le constat. Il semble quand même que les études n'aient pas été faites sur l'ensemble de la planète. Il y a des zones d'ombre, hein, vous avez dit, des boîtes noires, Isabelle Dajos. Alors, est-ce que ça ne modifie pas un peu les conclusions? Si on ne sait pas, par exemple, dans des lieux un peu reculés, des forêts tropicales où on n'est pas allé investiguer, peut-être que les insectes se portent mieux. Alors effectivement, il y a une disparité de causes à ces disparitions, et cette disparité de causes s'exerce aussi différemment selon les régions. Néanmoins, il y a un facteur qui est inquiétant, c'est la conversion des milieux, qui est une des premières causes, on va en parler tout à l'heure. Et cette conversion des milieux, elle s'exerce également dans les milieux tropicaux. Hein. La surface de forêt tropicale aujourd'hui diminue de manière drastique dans le monde. Et évidemment, à chaque fois qu'un hectare de forêt tropicale disparaît, il y a un peuplement d'insectes associés qui disparaît également de manière relativement définitive, hein, selon les espèces. Quand il s'agit d'espèces qui ont des petites aires de répartition qui sont situées dans des surfaces très faibles, évidemment, si on éradique la forêt à cet endroit-là, ces espèces-là disparaissent. Donc en réalité, le constat, autant il est statistiquement avéré sur les régions tempérées de l'hémisphère nord, autant malheureusement, on peut supposer de manière statistique également, quand on regarde les chiffres de conversion des milieux dans le monde, que ce constat est facile à étendre malheureusement aux latitudes tropicales. Oui. On peut étendre ces données vraiment aux latitudes tropicales, selon vous, Isabelle Dajos? Oui, je pense que effectivement, comme le dit Philippe Grand-Collat, les données, elles vont toutes dans le même sens. Et puis, quand bien même, ça serait pas le même scénario au niveau des latitudes tropicales, ce qui est observé au niveau de nos latitudes est déjà suffisamment inquiétant. Donc, je pense que les données sont vraiment unanimes, oui, et vont toutes dans le même sens. Les conclusions, les grandes conclusions de cette étude, un tiers des espèces connues menacées d'extinction, les 41% menacés d'extinction. Ça vous a surpris ou vous vous y attendiez? Oui et non, c'est-à-dire que bon, on se doute bien qu'en ce moment, à l'échelle planétaire, la sixième extinction, elle est en route, mais que ça, les chiffres aient une telle ampleur et que ça se soit déroulé en quelques dizaines d'années, c'est surprenant dans le mauvais sens, ouais, en quelque sorte. On a l'impression de quelque chose qui est enclenché et puis ça va faire un effet boule de neige et ça va aller de plus en plus rapidement si rien n'est fait. Ouais. Alors quelles seront les conséquences si rien n'est fait? Est-ce que déjà elles apparaissent un peu, les conséquences de cette disparition des insectes? Alors oui, elles apparaissent. Par exemple, il y a un article qui a été publié il y a quelques années dans Nature, qui montre que l'emploi de pesticides aux Pays-Bas donc diminue la faune d'insectes, sa diversité et sa densité, et ça a un impact sur les populations de petits passereaux. Donc il diminue. Alors c'est pas une relation de cause à effet, hein, c'est une corrélation entre, ouais, les deux paramètres. Alors les scientifiques sont toujours très prudents et voilà, raison, hein, sur quand on observe deux phénomènes en parallèle, encore faut-il prouver qu'ils sont liés, que l'un est la cause de l'autre. Tout à fait. Et donc, du coup, si on a moins de petits passereaux, ça veut dire que tous ces organismes, ces petits oiseaux qui peuvent réguler les populations d'insectes ravageurs des cultures ne sont plus là. Donc, ça, on entre en quelque sorte dans un cercle vicieux qui fait qu'il n'y a plus de prédateurs des insectes notamment nuisibles pour les cultures. Donc, on est obligé de vaporiser encore plus de pesticides et la boucle est bouclée. Un cercle vicieux. Exactement, un cercle vicieux. Qu'est-ce qui tue tout ces insectes? On va s'intéresser aux causes et aux conséquences de cet effondrement dans la suite de l'émission, et puis vous répondrez aux questions que les auditeurs vous envoient sur la page de l'émission sur franceinter.fr. Il dit je ne parle pas et mon cœur brûle. Je voudrais traverser ce pays. Mes yeux sont pleins de guerre. Ma bouche sèche, je n'ai pas d'amis. Il dit, je viens de la mine dans la ville. Je cherche le pardon et l'oubli. J'ai ma Bible sur la poitrine, je marche vers les salines. Il dit, personne ne m'a vu. Il dit que les prières nous sauvent, mais qu'il ne se met plus à genoux. Ceux qui m'ont mis au monde

Oui, effectivement, ça peut être dû à ça. Mais en fait, je pense que c'est toutes ces extinctions, elles sont multifactorielles. Donc, ouais. Il va y avoir à la fois des changements de mode de culture, mais il va y avoir également des milieux de plus en plus pollués avec des pesticides, avec des insecticides, des sources de nourriture amoindries pour les adultes, des lieux de nidification également pour les insectes qui sont en voie de disparition ou qui sont moins hospitaliers. Donc, tout ça, c'est multifactoriel, ouais. Je pense. Philippe Grandcola, les causes de l'effondrement des populations d'insectes, on l'a compris, c'est multifactoriel. Est-ce que pour autant elles sont clairement identifiées ou est-ce qu'il y a encore des doutes, des controverses ? Alors, il n'y a pas vraiment de controverse, je pense, dans la communauté scientifique, dans la mesure où la première cause, c'est la conversion des milieux et qu'elle est vraiment évidente à tout un chacun. Encore une fois, on vient de parler de destruction des forêts, drainage des milieux humides, suppression de toutes les petits interstices entre les zones cultivées, les haies, les talus, etc., qui pouvaient abriter un certain nombre d'espèces d'insectes. Donc cette première cause-là, c'est un constat physique évident, accablant. Après, il y a bien sûr d'autres causes qui sont plus subtiles et qui viennent s'ajouter, celle des intrants dans les cultures agricoles. Et là, bien sûr, il y a une controverse entre les différents acteurs du système qui ont des intérêts potentiellement opposés à une transformation des systèmes agricoles. Sur le plan scientifique, comme vient de le dire Isabelle Dajos, je pense que l'agroécologie aujourd'hui nous enseigne plutôt à préférer un mode d'agriculture raisonné, voire biologique, qui permet d'avoir une gestion un peu meilleure de la biodiversité dans le monde naturel. Catherine vous demande, j'habite le sud de la France et depuis plusieurs années, des sécheresses répétées se sont produites. Est-ce qu'au-delà de l'usage de pesticides, ces épisodes de sécheresse ont pu avoir un rôle également ? Mais naturellement, en fait, on est dans un moment de changement climatique. Alors bien sûr, la météo de chaque jour n'est pas nécessairement liée à un changement climatique global sur l'ensemble de la biosphère. Néanmoins, ce que l'on sait, c'est qu'au fur et à mesure, les températures moyennes s'élèvent, qu'il y a un certain nombre d'événements extrêmes, sécheresse, coups de froid, coups de chaud, qui apparaissent et de manière différente selon les endroits, là encore. Et donc, effectivement, là aussi, l'évolution de notre climat a un impact qui n'est pas négligeable et qui participe de ces causes, de ces plusieurs facteurs. Ouais. Le changement climatique, Isabelle Dajos, c'est aussi un des paramètres qui est responsable des effondrements de populations d'insectes. Oui, alors justement, dans l'article que vous avez mentionné au début, donc il y a un diagramme avec le rôle respectif, l'incidence respective des différents paramètres dont on a parlé sur l'extinction des insectes. Donc pour l'instant, le changement climatique n'est crédité que de quelques pourcents de cette crise d'extinction, mais je dirais qu'on au début du phénomène, au début de ce changement climatique. Donc la part de ce changement dans les extinctions devrait croître au fur et à mesure que le temps se déroule, ça c'est sûr. Parmi les insectes pour lesquels on s'inquiète particulièrement, il y a les abeilles domestiques. Je vous propose d'écouter le témoignage d'une apicultrice diffusée en 2016 dans l'émission Interception. Avant les pesticides, c'était dans les années 80. La ruche faisait des centaines de kilos de miel. Et aujourd'hui, ici dans nos régions, quand on fait 20 kilos à la ruche, on est content. Fabas, c'est un petit village authentique du sud-ouest au pied des Pyrénées. L'an dernier, Elisa a perdu 60% de son cheptel, alors elle a enquêté sur les causes de cette mortalité. Et on s'est rendu compte que c'est la proximité avec les animaux d'élevage. Ce seraient les produits pour traiter les parasites, notamment l'ivermectine. Les abeilles ont besoin d'eau l'été pour nourrir le couvain, pour vivre. Et quand on se retrouve à côté des animaux d'élevage, donc il y a toujours des abreuvoirs qui débordent, et les abeilles, elles adorent boire l'eau croupie. C'est plein de minéraux, plein de vitamines, et elles sont vraiment attirées là où les animaux défèquent. Et le problème, c'est que c'est des molécules en plus qui sont difficiles à retrouver parce qu'elles sont deux fois métabolisées. D'abord par l'animal d'élevage, qui va les rejeter dans ses excréments, et après métabolisées par les abeilles. Donc on se retrouve avec des molécules qui sont modifiées, et on a beaucoup de mal à les retrouver dans les analyses, à savoir qu'est-ce qu'on cherche. Alors que quand on compare les itinéraires de chaque apiculteur, on se rend bien compte que il y a quand même la proximité à chaque fois avec de l'élevage. Extrait donc d'Interception diffusé en 2016. Isabelle Dajos, on voit là toute la difficulté de passer de la présomption à la preuve formelle. Les abeilles disparaissent, c'est un constat. Difficile de savoir quelle en est la cause réelle. Alors, c'est vrai que les causes sont multifactorielles. Il y a certainement beaucoup de choses. Il y a cet impact des pesticides. Et ça, ça a été démontré expérimentalement. On donne à des abeilles un sirop avec une concentration en pesticides qui correspond à ce qu'il y a dans le nectar des fleurs. et on s'aperçoit qu'il y a des effets sur leur neurologie. Elles ne retrouvent plus leur ruche, elles ramènent moins de pollen, elles ramènent moins de nectar. Et ces effets sont d'autant pires que, en fait, les bêtes sont exposées à un cocktail de pesticides, un cocktail de molécules. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les pratiques de gestion qui font qu'il y a de moins en moins de fleurs. Les bords des routes qui sont bien fauchés, il n'y a plus de fleurs, la pelouse qui est tondue bien régulièrement pour qu'il n'y ait pas un petit trèfle qui dépasse. Et tout ça, ça fait moins de nourriture aussi pour les pollinisateurs. Jacques vous dit à ce sujet, les insectes, dont les abeilles, seraient aussi victimes de désorientation. À quoi est-ce dû et comment s'oriente une abeille ou un autre insecte? Est-ce qu'on sait comment agissent ces produits que l'on met dans l'environnement sur le système nerveux ou le système d'orientation des abeilles? Oui, alors donc il y a une famille de pesticides qui est particulièrement incriminée, qui s'appelle les néonicotinoïdes, qui sont utilisés donc pour enrober les graines, et donc ça passe dans toute la plante. L'idée, c'est de rendre toxique, entre guillemets, toute la plante pour les insectes ravageurs. Et en fait, ces molécules néonicotinoïdes ont un effet sur le système nerveux central, et donc ce qu'on observe chez les abeilles intoxiquées avec du sirop ou du nectar contaminé par ces produits, c'est qu'elles sont désorientées. Elles ne retrouvent plus leur ruche, ou elles mettent plus de temps à retrouver leur ruche, ou elles sont moins efficaces pour ramasser du pollen ou du nectar. Et il suffit qu'il y ait un coup de vent, un coup de froid, et elles ne retrouvent plus leur ruche et elles vont mourir dehors, effectivement. Est-ce qu'il y a des insectes qui passent complètement en dessous des radars des scientifiques, Philippe Brancola? C'est-à-dire qu'on a l'impression que le cas des abeilles est quand même beaucoup documenté, qu'on s'intéresse aussi beaucoup aux papillons, aux libellules. Est-ce qu'il y a aussi un peu un délit de sale gueule? Est-ce qu'il y a certains insectes dont on se désintéresse complètement dans le milieu scientifique? Ben, tout à fait. Malheureusement, le milieu scientifique a les mêmes travers que le reste de la population humaine, avec cet anthropocentrisme. C'est vrai qu'on on a le regard plus facilement attiré par un beau papillon ou par une abeille dont on sait qu'elle produit du miel que par une blatte ou par un petit coléoptère qui mange du bois mort ou par un insecte très discret qui vit dans les feuilles mortes au fin fond d'une forêt tropicale. Donc effectivement, encore une fois, compte tenu de la communauté scientifique qui n'est pas démesurée dans ce domaine-là, ouais, et il y a une grande partie des écosystèmes qui n'est pas monitorée en permanence, hein, comme elle l'est pour des grands mammifères, des grands vertébrés. Ça c'est une évidence scientifique. Néanmoins, encore une fois, la méta-analyse qui vient d'être publiée permet quand même de jeter malgré tout un regard général, statistique, sur l'ensemble de la situation, même si, bien entendu, il n'y a pas une étude réalisée sur chacune du million d'espèces connues d'insectes dans le monde. Est-il encore possible d'enrayer le déclin des populations d'insectes? C'est ce que nous allons voir dans la suite de La Tête au Carré sur France Inter. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur, pour n'avoir pas su dire délivrez-nous du pire et garder le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme, les daltoniens de l'âme, ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent, mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise, on leur crie merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu. Les gens qui doutent de Anne Sylvestre, pris par Vincent Delerme, Jeanne Chéral et Alban de la Simone. La programmation musicale est signée Thierry Dupin. La tête au carré. Sur France Inter. Avec autour de la table Isabelle Dajoz, Philippe Grandcola, deux biologistes, écologues, spécialistes de l'évolution. On s'intéresse à la disparition des insectes et on aimerait aussi savoir s'il est encore possible de les sauver. Alors il y a d'ailleurs des auditeurs qui sont très constructifs. Guillaume qui vous dit, est-il possible à l'échelle individuelle d'agir en faveur de la démographie des insectes? Je pense aux hôtels à insectes vendus dans le commerce, au compost, au fond du jardin. Oui, bien sûr. Il n'y a aucune contre-indication à des démarches individuelles positives, bien au contraire. Mais est-ce que ça sert à quelque chose ou est-ce qu'on se donne bonne conscience et on ne réglera pas le problème avec ce genre d'initiative? Alors, on ne réglera pas tous les problèmes, ça c'est certain, puisqu'il y a des problèmes qui doivent être réglés à l'échelle de l'ensemble du territoire, la gestion de l'environnement par les autorités locales, régionales, voire nationales. Néanmoins, c'est vrai que si tout un chacun prend conscience du fait qu'il y a des mesures simples à mettre en œuvre pour qu'autour de soi, déjà, la biodiversité se porte mieux, ça ne peut avoir qu'un effet positif. Et puis, quelque part aussi, un effet d'éducation. Je pense qu'il faut penser à la génération qui nous suit, à celle de ceux qui sont aujourd'hui des enfants, qui peuvent peut-être aider à construire un monde meilleur, autant déjà leur montrer ce qu'il est nécessaire et possible de faire. Oui, il y a un travail d'éducation et de sensibilisation, c'est ce que vous nous dites. Quelles seraient les solutions pour enrayer le déclin, Isabelle Dajoz? Alors, déjà, je voulais rebondir sur l'idée des hôtels à insectes. En fait, je voulais dire à l'auditeur que vous pouvez le faire vous-même, votre hôtel à insectes. Voilà. Vous n'avez pas besoin de l'acheter tout fait dans le commerce. Ça, c'est un bon conseil. Commençons un petit peu par... Voilà. Alors, comment on fait son hôtel à insectes? Alors, l'idée, c'est de créer des sites de nidification pour tout un tas d'espèces. Donc, vous laissez un vieux mur dans votre jardin sans essayer de reboucher tous les trous entre les pierres. Il y a des bêtes qui vont nicher dans les insertices entre les pierres. Vous laissez un petit peu de sol nu et tassé et il y a des abeilles qui vont nicher dedans. Quand il y a des branches sèches, vous les coupez pas pour les brûler tout de suite parce qu'il y a beaucoup d'insectes qui vont également nicher dans ces branches sèches, etc. Vous pouvez même faire un hôtel en mettant des petits morceaux de bois, des petits morceaux de branches, quelques cailloux, quelques bûches creuses, tout ça. Et voilà, il n'y a pas besoin d'acheter quelque chose de tout prêt dans le commerce, sauf bien sûr si ça vous fait plaisir. Oui, Catherine vous dit, la lutte contre la disparition des insectes, c'est aussi une affaire des particuliers. Savoir laisser quelques herbes folles dans son jardin, c'est déjà participer à leur protection. Vous confirmez? Ah oui, exactement. Et puis, laisser quelques petites fleurs dans sa pelouse, parce que par exemple, les trèfles sont très appréciés par les bourdons et les bourdons vont contribuer à la pollinisation des fruits, donc vous aurez une meilleure récolte de pommes ou de cerises ou tout ça. Laissez un petit peu de nature, quoi. Laissez quelques mauvaises herbes, pas tout de suite tout arracher ou mettre de l'herbicide, petites choses simples. Voilà, ça ce sont des petites choses simples à l'échelle plus globale. Qu'est-ce que l'on peut faire, qu'est-ce que l'on peut imaginer pour enrayer le déclin? Alors, à l'échelle plus globale, là, c'est des décisions qui, bien sûr, sont plus d'un ordre politique ou gestionnaire. Donc déjà, peut-être militer plus en faveur d'une agriculture, au moins une agriculture raisonnée, en limitant les pulvérisations de pesticides, des choses comme ça, ou en favorisant la rotation des cultures, comme ce qu'a dit Brincent Bratagnol dans son interview. Bref, en favorisant la mise en place de haies autour des parcelles. Bon, voilà, c'est du bon Alors, sens, quoi. Pour aller dans ce sens-là, c'est du bon sens et ça a été aussi prouvé scientifiquement, on pourrait dire. Mmh. Une étude internationale a été menée pour étudier l'effet de la taille des parcelles agricoles sur les populations d'abeilles. Sandy Dauphin l'évoquait en février 2018 dans le journal de la Matinale. Les scientifiques ont suivi à la trace le pollen dans plus de 200 champs en Allemagne, en Espagne, en France et au Royaume-Uni. Conclusion, un paysage agricole constitué de petites parcelles favorise les abeilles sauvages, les syrphes et autres pollinisateurs et donc la reproduction des plantes. Dans le site d'études français que nous avons étudié qui se trouve en Bretagne, on s'est aperçu que lorsque l'on diminue la taille moyenne des parcelles de 2,5 à 0,8 hectares, on a en fait une augmentation du nombre d'abeilles sauvages de 26 à 46. Clélia Sirami, chercheuse à l'Institut National de la Recherche Agronomique. Quand on a des parcelles plus petites, on a ce qu'on appelle donc les bordures de champs, donc la limite entre deux parcelles, qui va être très favorable aux pollinisateurs. Alors soit parce qu'on va y retrouver beaucoup de plantes sauvages qui vont être de bonnes ressources pour les pollinisateurs en termes de nourriture, mais peut-être aussi parce que ça permet plus facilement aux pollinisateurs de se déplacer dans le paysage plutôt qu'en plein milieu d'un champ. L'étude montre aussi que le fait de diversifier les cultures n'a pas forcément d'effet positif sur le nombre de pollinisateurs, surtout lorsqu'il s'agit de cultures intensives comme le maïs. Philippe Grandcola, il y a des choses à faire dans le domaine de l'agriculture. Alors bien sûr, une agriculture raisonnée, on vient de le dire, hein, moins d'intrants, une diversité de paysages. Il est vraiment important, comme vient de le montrer cette interview, que le paysage soit morcelé, qu'il n'y ait pas de grands espaces dans lesquels il n'y a pratiquement plus rien de vivant, mis à part la plante que l'on essaye de faire produire. Donc vraiment, c'est la première mesure à envisager. Isabelle Dajos, vous vous intéressez aussi aux insectes en ville, pas uniquement à la campagne. Et alors, on voit de plus en plus de ruches, hein, d'ailleurs, dans les grandes villes, comme à Paris notamment. Alors, où en est la biodiversité des insectes dans les grandes villes ? Alors, en fait, les grandes villes, c'est pas du tout des déserts, notamment pour la biodiversité des insectes. Nous, on a regardé le nombre d'espèces d'abeilles sauvages qu'il y a dans Paris intramuros. Et dans Paris intramuros, on a près de 90 espèces rien que pour des abeilles sauvages, sans compter l'abeille domestique. Et dans d'autres villes, ce chiffre est encore plus élevé. Par exemple, à Lyon, dans la périphérie de Lyon, on a plus de près de 250 espèces d'abeilles sauvages. Et dans d'autres villes en Europe, ces chiffres sont toujours dans la même gamme. Donc en fait, ce qu'on a l'impression d'observer, c'est que les villes, avec leur déjà il y a une politique zéro pesticide, notamment à Paris, et les villes ont une floraison qui est étalée pendant 365 jours par an. Les citadins sont souvent soucieux de nature, donc mettent des fleurs sur le balcon, des choses comme ça. Et paradoxalement, les villes deviendraient des habitats plus favorables pour certains taxons d'insectes que la campagne. Alors c'est assez inquiétant. Oui, c'est assez inquiétant. Ça paraît assez paradoxal. On va pas bétoniser ou tout urbaniser en pensant sauver les insectes, c'est pas la solution non plus. Non, tout à fait, mais il y a vraiment une diversité de situations dans le monde, de par le monde. Hein. Effectivement, une région de culture agricole intensive est vraiment le pire des systèmes pour garder une bonne biodiversité. Évidemment, la zone urbaine qui est un petit peu diversifiée a au moins cet aspect-là de positif. Et puis, il faut pas oublier non plus les grandes zones tropicales qui, en cas d'éradication, en cas de déforestation, en fait, perdent vraiment une quantité de biodiversité et une qualité d'environnement colossale. Et on est également quelque part dépendant au niveau des circulations climatiques globales de ces zones-là. Donc, même si elles sont plus loin de nous, elles nous affectent malgré tout, in fine. Oui. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, parce que vous êtes aussi spécialiste de l'évolution, c'est que ces insectes, ils sont menacés, mais ils sont très nombreux. Il y en a bien un ou deux qui nous survivra. Mais en tout cas, la masse qui disparaîtra, on sera les premiers à en payer les conséquences. En tout cas, on paiera les conséquences avec d'autres. On fait partie de l'écosystème. Voilà, tout à fait. En fait, il ne faut pas du tout les voir comme des antagonistes. Il faut les voir, au contraire, comme des alliés. Alors même si, quelquefois, comme tous les alliés, ils ont leurs petits revirements et les petits problèmes qu'ils causent. Néanmoins, le rythme d'évolution, même s'il peut être assez rapide sur l'apparition de résistance aux insecticides, sur certaines adaptations à certains paramètres climatiques, le rythme d'évolution ne compensera pas cette crise d'extinction majeure, qui va, je le rappelle, à un rythme beaucoup plus rapide que toutes les crises qui ont eu lieu de par le passé. C'est quand même assez effrayant parce qu'ils ont quand même survécu à plusieurs crises d'extinction, dont la dernière qui a vu disparaître la plupart des dinosaures. Et puis là, finalement, ils ont du mal à passer le cap. Oui, et puis ces crises se sont étendues sur un certain nombre de millions d'années. Et là, malheureusement, nous, elles nous concernent au premier chef à l'échelle de quelques décennies. Ouais, il est temps d'en prendre conscience. Merci à vous, Isabelle Dajos et Philippe Grandcola. C'est l'heure du docteur. France Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne. Attention, je vais piquer. Bonjour Dominique. Bonjour Daniel. Alors votre chronique aborde le sujet des opioïdes et de leurs dangers qui ont fait l'actualité la semaine dernière. Ben oui Daniel, l'ANSM, l'Agence du médicament, a publié mardi un état des lieux sur la situation française. Rappelez-nous ce que sont les opioïdes peut-être d'abord. Ben, c'est une famille chimique qui regroupe l'opium, la morphine qui en est extraite, et de nombreux dérivés comme la codéine, le tramadol, l'oxycodone, la méthadone ou le fentanyl produit par l'industrie pharmaceutique, mais aussi bien sûr l'héroïne fabriquée illégalement. L'opium est le plus vieux médicament connu déjà utilisé il y a 10 000 ans. Alors malheureusement, les remarquables propriétés antalgiques des opioïdes vont de pair avec un pouvoir addictif et euphorisant particulièrement marqué pour les plus puissants d'entre eux, qui a conduit à encadrer sévèrement leurs prescriptions. Mais alors pourquoi cette épidémie de décès ? Alors, il faut revenir en arrière. Au début des années 90, le soulagement de la douleur devient un objectif de santé publique majeur. La prescription d'opioïdes puissants, comme la morphine, est alors simplifiée et encouragée pour soulager les douleurs intenses et transitoires, comme les suites d'interventions chirurgicales. Les experts étaient formels. Si la morphine injectable peut rendre dépendant, ce n'est que très rarement le cas pour les comprimés, soulager la douleur est une priorité. Alors en France, on en est resté là jusqu'à aujourd'hui et les opioïdes sont à l'origine de 400 décès par an, tous usages confondus. Héroïne, médicaments de substitution pour toxicomanes comme la méthadone et médicaments contre la douleur. Mais ces antalgiques opioïdes prescrits par des médecins ne représentent que 50 de ces 400 décès et on descend même à 25 si on exclut la morphine. Ces chiffres sont stables plutôt depuis 10 ans et les opioïdes légaux ne constituent donc pas en France à ce jour un problème de santé publique important. Et aux USA ? Eh bien, la situation est totalement différente, liée à deux problèmes spécifiques. Tout d'abord, l'arrivée d'une nouvelle drogue opioïde 100 fois plus puissante que l'héroïne et moins chère, qui provoque une épidémie d'overdose chez les toxicomanes. Mais aussi la diffusion d'un opioïde puissant et très addictif, l'oxycodone, présenté comme peu ou pas dangereuse par son fabricant et donc proposé pour traiter tous les types de douleurs, du mal de dos chronique aux migraines. Or, il en est des opioïdes comme de l'alcool. Si la majorité des utilisateurs en font un usage raisonnable, d'autres deviennent rapidement dépendants, augmentent les doses et peuvent en mourir. Et puis les patients se méfient d'autant moins que le médicament a été prescrit par leur médecin et présenté, notamment à la télévision, comme anodin. Cette situation est réellement dramatique, causant des dizaines de milliers de morts tous les ans. Et alors que faire ? Ben écoutez, c'est simple. Avec les opioïdes faibles, comme le tramadol ou la codéine, il faut consulter dès qu'on ressent une dépendance ou une accoutumance, c'est-à-dire le besoin de dépasser la dose prescrite. C'est rare. Le drame américain semble surtout lié à l'oxycodone, encore peu utilisé en France. Je pense qu'il faut être très prudent avec ce produit, sauf bien sûr pour obtenir un soulagement en fin de vie, situation où la dépendance n'est malheureusement plus un problème. Et je signale que le téléphone sonne de ce soir à 19h20 sera consacré aux opioïdes. Merci Dominique Dupagne, à la semaine prochaine. Prochaine.